Chapitre 3e, les personnages. Ôtez les personnages grotesques qui ne sont là que pour occuper de la place et pour faire rire. Vous trouverez que tous les caractères de Dickens sont compris dans deux classes, les êtres sensibles et les êtres qui ne le sont pas. Il oppose les âmes que forme la nature aux âmes que déforme la société. Son dernier roman, Hard Times, est un résumé de tous les autres. Il y préfère l'instinct au raisonnement, l'intuition du cœur à la science positive. Il attaque l'éducation fondée sur la statistique, sur les chiffres et sur les faits. Il comble de malheur et de ridicule l'esprit positif et mercantile. Il combat l'orgueil, la dureté, l'égoïsme du négociant et du noble. Il maudit les villes de manufactures, de fumée et de boue, qui emprisonnent le corps dans une atmosphère artificielle et l'esprit dans une vie factice. Il va chercher de pauvres ouvriers, des battleurs, un enfant trouvé, et accable sous leur bon sens, sous leur générosité, sous leur délicatesse, sous leur courage et sous leur douceur, la fausse science, le faux bonheur et la fausse vertu des riches et des puissants qui les méprisent. Il fait des satires contre la société oppressive, il fait des élégies sur la nature opprimée, et son génie élégiaque, comme son génie satirique, trouve dans le monde qu'il doit peindre la carrière dont il a besoin pour se déployer. Le premier fruit de la société anglaise est l'hypocrisie. Il y mûrit au double souffle de la religion et de la morale. On sait quelle est leur popularité et leur empire au-delà du détroit. Dans un pays où il est scandaleux de rire le dimanche, où le triste puritanisme a gardé quelque chose de son ancienne animosité contre le bonheur, où les critiques qui étudient l'histoire ancienne insèrent les dissertations sur le degré de vertu de Nabuchodonosor, il est naturel que l'apparence de la moralité soit utile. C'est une monnaie qu'il faut avoir. Ceux qui n'ont pas la bonne en fabriquent de la fausse. Et plus l'opinion publique la déclare précieuse, plus on la contrefait. Aussi ce vice est-il anglais. M. Pecksniff ne peut pas se rencontrer en France. Ces phrases nous dégoûteraient. S'il y a chez nous une affectation, ce n'est pas celle de vertu, c'est celle de vice. Pour réussir, on aurait tort d'y parler de ses principes. On aime mieux confesser ses faibles, et s'il y a des charlatans, ce sont les fanfarons d'immoralité. Nous avons eu jadis nos hypocrites, mais c'est lorsque la religion était populaire. Depuis Voltaire, Tartuffe est impossible. On n'essaie plus d'affecter une piété qui ne trompe personne et qui ne mène à rien. L'hypocrisie vient, s'en va et varie selon l'état des mœurs, de la religion et des esprits. Aussi, voyez comme l'hypocrisie de Pecksniff est conforme aux dispositions de son pays. La religion anglaise est peu dogmatique et toute morale. Pecksniff ne lâche pas comme Tartuffe des phrases de théologie. Il s'épanche tout entier en tirade de philanthropie. Il a marché avec le siècle. Il est devenu philosophe humanitaire. Il a donné à ses filles les noms de mercy, compassion, et de charité. Il est tendre, il est bon, il s'abandonne aux effusions de famille. Il offre innocemment en spectacle, lorsqu'on vient le voir, de charmantes scènes d'intérieur. Il étale le cœur d'un père, les sentiments d'un époux, la bienveillance d'un bon maître. Les vertus de famille sont en honneur aujourd'hui. Il faut s'en affubler. Jadis Orgon disait, instruit par Tartuffe, « Et je verrai périr parents, enfants et femmes, que je m'en soucierai autant que de cela. » La vertu moderne et la piété anglaise pensent autrement. Il ne faut pas mépriser ce monde en vue de l'autre, il faut l'améliorer en vue de l'autre. Tartuffe parlera de sa haie et de sa discipline. Pecksniff de son confortable petit parloir, du charme de l'intimité, de la beauté de la nature. Il essaiera de mettre la concorde entre les hommes. Il aura l'air d'un membre de la société de la paix. Il développera les considérations les plus touchantes sur les bienfaits et sur les beautés de l'harmonie. Il sera impossible de l'écouter sans avoir le cœur attendri. Les hommes sont raffinés aujourd'hui. Ils ont lu beaucoup de poésies élégiaques. Leur sensibilité est plus vive. On ne peut plus les tromper avec la grossière impudence de Tartuffe. C'est pourquoi, M. Pecksniff, aura des gestes de longanimité sublime, des sourires de compassion ineffable, des élans, des mouvements d'abandon, des grâces, des tendresses qui séduiront les plus difficiles et charmeront les plus délicats. Les Anglais, dans leurs parlements, dans leurs meetings, dans leurs associations et dans leurs cérémonies publiques, ont appris la phrase oratoire, les termes abstraits, le style de l'économie politique, du journalisme et du prospectus. M. Pecksniff parlera comme un prospectus. Il en aura l'obscurité, le galimatia et l'emphase. Il semblera planer au-dessus du monde, dans la région des idées pures, au sein de la vérité. Il aura l'air d'un apôtre élevé dans les bureaux du Times. Il débitera des idées générales à propos de tout. Il trouvera une leçon de morale dans le beefsteak qu'il vient d'avaler. Ce beefsteak a passé, le monde passera aussi. Souvenons-nous de notre fragilité et du compte qu'un jour nous aurons à rendre. En pliant sa serviette, il s'élèvera à des contemplations grandioses. L'économie de la digestion, dira-t-il, à ce que m'ont appris certains anatomistes de mes amis, est un des plus merveilleux ouvrages de la nature. Je ne sais pas ce qu'éprouvent les autres, mais c'est une grande satisfaction pour moi de penser, quand je jouis de mon humble dîner, que je mets en mouvement la plus belle machine dont nous ayons connaissance. Il me semble véritablement, en de tels instants, que j'accomplis une fonction publique. Quand j'ai remonté cette montre intérieure, si je puis employer une telle expression, dit M. Pecksniff avec une sensibilité exquise, et quand je sais qu'elle bat, je sens que la leçon offerte par elle aux hommes fait de moi un des bienfaiteurs de mon espèce. Vous reconnaissez un nouveau genre d'hypocrisie. Les vices changent tous les siècles en même temps que les vertus. L'esprit pratique comme l'esprit moral est anglais. À force de commercer, de travailler et de se gouverner, ce peuple a pris le goût et le talent des affaires. C'est pourquoi il nous regarde comme des enfants et des fous. L'excès de ses dispositions est la destruction de l'imagination et de la sensibilité. On devient une machine à spéculation en qui s'alignent des chiffres et des faits. On nie la vie de l'esprit et les joies du cœur. On ne voit plus dans le monde que des pertes et des bénéfices. On devient dur, âpre, avide et avare. On traite les hommes en rouages. Un jour, on se trouve tout entier négociant, banquier, statisticien. On a cessé d'être homme. Dickens a multiplié les portraits de l'homme positif. Ralph Nickleby, Scrooge, Anthony Schuslevitt, Jonas, l'Alderman Cute, M. Murdstone et sa sœur, Bounderby, Tom Gradgrind, il y en a dans tous ses romans. Les uns le sont par éducation, les autres par nature, mais ils sont tous odieux, car ils prennent tous à tâche de railler et de détruire la bonté, la sympathie, la compassion, les affections désintéressées, les émotions religieuses, l'enthousiasme de l'imagination, tout ce qu'il y a de beau dans l'homme. Ils oppriment des enfants, ils frappent des femmes, ils affament des pauvres, ils insultent des malheureux. Les meilleurs sont des automates de fer poli qui exécutent méthodiquement leurs devoirs légaux et ne savent pas qu'ils font souffrir les autres. Ces sortes de gens ne se trouvent pas dans notre pays. Leur rigidité n'est point dans notre caractère. Ils sont produits en Angleterre par une école qui a sa philosophie, ses grands hommes, sa gloire et qui ne s'est jamais établie chez nous. Plus d'une fois, il est vrai, nos écrivains ont peint des avares, des gens d'affaires et des boutiquiers. Balzac en est rempli. Mais il les explique par leur imbécilité, ou il en fait des monstres curieux comme Grandet et Gobseck. Ceux de Dickens forment une classe réelle et représentent un vice national. Lisez ce passage de Hard Times et voyez si, corps et âme, M. Gradgrind n'est pas tout anglais. À présent, ce qu'il me faut, ce sont des faits. N'enseignez à ces filles et à ces garçons que des faits. On n'a besoin que de faits dans la vie. Ne plantez rien autre chose en eux. Déracinez en eux tout autre chose. Vous ne pouvez former l'esprit d'un animal raisonnable qu'avec des faits. Aucune autre chose ne pourra leur être utile. C'est là le principe d'après lequel j'élève mes propres enfants, et c'est là le principe d'après lequel je veux que les enfants soient élevés. Attachez-vous aux faits, monsieur. La scène était la voûte nue, unie, monotone d'une école, et le doigt carré de l'orateur donnait de l'autorité à ses observations en soulignant chaque sentence par un trait sur la manche du maître d'école. Cette autorité était accrue par le front de l'orateur, sorte de mur carré, ayant les sourcils pour base, pendant que ses yeux trouvaient une cage commode dans deux caves noires qu'ombrageait le mur. Cette autorité était accrue par la bouche de l'orateur, qui était grande, mince et dure. Cette autorité était accrue par la voix de l'orateur, qui était inflexible, sèche et commodante. Cette autorité était accrue par les cheveux de l'orateur, qui se dressaient sur les côtés de sa tête chauve, sorte de plantation de pin, ayant pour but de protéger contre le vent sa surface luisante, toute couverte de protubérances, ainsi qu'une croûte de pâté aux prunes, comme si la tête eût été un magasin suffisant pour la dure masse de faits accumulés dans son intérieur. L'attitude obstinée de l'orateur, son habit carré, ses jambes carrées, ses épaules carrées, jusqu'à sa cravate, qui le prenait à la gorge de son nez raide, comme un fait entêté qu'elle était, tout ajoutait à cette autorité. Dans cette vie, nous n'avons besoin de rien excepté des faits, monsieur, de rien excepté des faits. L'orateur et le maître d'école et la troisième grande personne présente reculèrent tous un peu et parcoururent des yeux le plan incliné des petits vases qui étaient là rangés en ordre pour recevoir les grandes potées de faits qu'on allait verser en eux afin de les remplir jusqu'au bord. Thomas Gradgrind, monsieur, homme de réalité, homme de faits et de calcul, homme qui part de ce principe que deux et deux font quatre et non d'un autre, et qui, sous aucun prétexte et pour aucune raison, n'accordera rien de plus. Thomas Gradgrind, monsieur, Thomas lui-même, Thomas Gradgrind avec une règle et une paire de balances, et la table de multiplication toujours dans sa poche, monsieur, prête à peser et à mesurer n'importe quel fragment de la nature humaine, et à vous dire exactement ce qu'on peut en tirer. C'est une pure question de chiffres, un simple cas d'arithmétique. Vous pourriez espérer de faire entrer quelque autre croyance dans la tête de George Gradgrind, ou d'Auguste Gradgrind, ou de John Gradgrind, ou de Joseph Gradgrind, toute personne fictive, non existante. Mais dans la tête de Thomas Gradgrind, non, monsieur. C'est dans ces termes que M. Gradgrind se présentait toujours lui-même mentalement, soit au cercle de ses relations particulières, soit au public en général. C'est dans ces termes, évidemment, en substituant le mot « jeunes élèves » au mot « monsieur », que Thomas Gradgrind présentait en ce moment Thomas Gradgrind aux petits vases rangés devant lui, lesquels devaient être si fort remplis de faits. Un autre défaut que donne l'habitude de commander et de lutter est l'orgueil. Il abonde dans un pays d'aristocratie et personne n'a raillé plus durement une aristocratie que Dickens. Tous ses portraits sont des sarcasmes. C'est celui de James Harthouse, dandy dégoûté de tout, principalement de lui-même, et ayant parfaitement raison. C'est celui de Sir Frederick, pauvre sot dupé, abruti par le vin, dont l'esprit consiste à regarder fixement les gens en mangeant le bout de sa canne. C'est celui de Lord Phoenix, sorte de mécanique à phrases parlementaires, détraquée et à peine capable d'achever les périodes ridicules où il a soin de toujours tomber. C'est celui de Mrs. Houghton, hideuse vieille ruinée, coquette jusqu'à la mort, demandant pour son lit d'agonie des rideaux roses et promenant sa fille dans tous les salons de l'Angleterre pour la vendre à quelque mari vaniteux. C'est celui de Sir John Chester, scélérat de bonne compagnie, qui, de peur de se compromettre, refuse de sauver son fils naturel et refuse avec toutes sortes de grâces en achevant de manger son chocolat. Mais la peinture la plus complète et la plus anglaise de l'esprit aristocratique est le portrait d'un négociant de Londres, M. Dombey. Ce n'est pas là qu'en France nous irions chercher nos types. C'est là qu'on les trouve en Angleterre, aussi énergiques que dans les plus orgueilleux châteaux. M. Dombey, comme un noble, aime sa maison autant que lui-même. S'il dédaigne sa fille, et s'il souhaite un fils, c'est pour perpétuer l'ancien nom de sa banque. Il a ses ancêtres en commerce, il veut avoir ses descendants. Ce sont des traditions qu'il soutient, et c'est une puissance qu'il continue. À cette hauteur d'opulence, et avec cette étendue d'action, c'est un prince, et comme il a la situation d'un prince, il en a les sentiments. Vous voyez là un caractère qui ne pouvait se produire que dans un pays dont le commerce embrasse le monde, où les négociants sont des potentats, où une compagnie de marchands a exploité des continents, soutenu des guerres, défait des royaumes et fondé un empire de 100 millions d'hommes. L'orgueil d'un tel homme n'est pas petit. Il est terrible. Il est si tranquille et si haut que pour en trouver un semblable, il faudrait relire les mémoires de Saint-Simon. M. Dombey a toujours commandé, et il n'entre pas dans sa pensée qu'il puisse céder à quelqu'un ou à quelque chose. Il reçoit la flatterie comme un tribut auquel il a droit, et aperçoit au-dessous de lui, à une distance immense, les hommes comme des êtres faits pour l'implorer et lui obéir. Sa seconde femme, la fière Edith Shewton, lui résiste et le méprise. L'orgueil du négociant se heurte contre l'orgueil de la fille du noble, et les éclats contenus de cette inimitié croissante révèlent une intensité de passion que des âmes ainsi nées et ainsi nourries pouvaient seules contenir. Edith, pour se venger, s'enfuit le jour anniversaire de son mariage et se donne les apparences de l'adultère. C'est alors que l'inflexible orgueil se dresse dans toute sa raideur. Il a chassé sa fille, qu'il croit complice de sa femme. Il défend qu'on s'occupe de l'une ni de l'autre. Il impose silence à sa sœur et à ses amis. Il reçoit ses hôtes du même ton et avec la même froideur. Désespéré dans le cœur, dévoré par l'insulte, par la conscience de sa défaite, par l'idée de la risée publique, il reste aussi ferme, aussi hautain, aussi calme qu'il fut jamais. Il pousse plus audacieusement ses affaires et se ruine. Il va se tuer. Jusqu'ici tout était bien. La colonne de bronze était restée entière et invaincue, mais les exigences de la morale publique pervertissent l'idée du livre. Sa fille arrive juste à point. Elle le supplie, il s'attendrit. Elle l'emmène, il devient le meilleur des pères et gâte un beau roman. Retournons la liste. Par opposition à ces caractères factices et mauvais que produisent les institutions nationales, vous trouvez des êtres bons tels que les fait la nature et au premier rang les enfants. Nous n'en avons point dans notre littérature. Le petit Joas de Racine n'a pu naître que dans une pièce composée pour Saint-Cyr. Encore le pauvre enfant parle-t-il en fils de prince, avec des phrases nobles et apprises, comme s'il récitait son catéchisme. Aujourd'hui, on ne voit chez nous de ces portraits que dans les livres d'Étrenne, lesquels sont écrits pour offrir des modèles aux enfants sages. Dickens a peint les siens avec une complaisance particulière. Il n'a point songé à édifier le public, et il l'a charmé. Tous les siens ont une sensibilité extrême. Ils aiment beaucoup, et ils ont besoin d'être aimés. Il faut, pour comprendre cette complaisance du peintre et ce choix de caractère, songer à leur type physique. Ils ont une carnation si fraîche, un teint si délicat, une chair si transparente, et des yeux bleus si purs, qu'ils ressemblent à de belles fleurs. Rien d'étonnant si un romancier les aime, s'il prête à leur âme la sensibilité et l'innocence qui reluisent dans leur regard, s'il juge que ces frais, les charmantes roses, doivent se briser sous les mains grossières qui tenteront de les assouplir. Il faut encore songer aux intérieurs où ils croissent. Lorsqu'à 5 heures le négociant et l'employé quittent leur bureau et leurs affaires, ils retournent au plus vite dans le joli cottage où toute la journée leurs enfants ont joué sur la pelouse. Ce coin du feu où ils vont passer la soirée est un sanctuaire, et les tendresses de famille sont la seule poésie dont ils aient besoin. Un enfant privé de ses affections et de ce bien-être semblera privé de l'air qu'on respire, et le romancier n'aura pas trop d'un volume pour expliquer son malheur. Dickens l'a raconté en 10 volumes, et il a fini par écrire l'histoire de David Copperfield. David est aimé par sa mère et par une brave servante, Peggotty. Il joue avec elle dans le jardin. Il la regarde coudre. Il lui lit l'histoire naturelle des crocodiles. Il a peur des poules et des oies qui se promènent dans la cour d'un air formidable. Il est parfaitement heureux. Sa mère se remarie et tout change. Le beau-père, M. Murdstone, et sa sœur Jeanne sont des êtres durs, méthodiques et glacés. Le pauvre petit David est à chaque moment blessé par des paroles dures. Il n'ose parler ni remuer. Il a peur d'embrasser sa mère. Il sent peser sur lui comme un manteau de plomb le regard froid des deux nouveaux hôtes. Il se replie sur lui-même, étudie en machine les leçons qu'on lui impose. il ne peut les apprendre, tant il a craint de ne pas les savoir. Il est fouetté, enfermé au pain et à l'eau dans une chambre écartée, il s'effraie la nuit, il a peur de lui-même. Il se demande si en effet il n'est pas mauvais et méchant, et il pleure. Cette terreur incessante, sans espoir et sans issue, le spectacle de cette sensibilité qu'on froisse et de cette intelligence qu'on abrutit, les longues anxiétés, les veilles, la solitude du pauvre enfant emprisonné, son désir passionné d'embrasser sa mère ou de pleurer sur le cœur de sa bonne, tout cela fait mal à voir. Ces douleurs enfantines sont aussi profondes que des chagrins d'homme. C'est l'histoire d'une plante fragile qui fleurissait dans un air chaud, sous un doux soleil, et qui tout d'un coup, transportée dans la neige, laisse tomber ses feuilles et se flétrit. Les gens du peuple sont comme les enfants, dépendants, peu cultivés, voisins de la nature et sujets à l'oppression. C'est dire que Dickens les relève. Cela n'est point nouveau en France. Les romans de M. Eugène Sue nous en ont donné plus d'un exemple, et cette thèse remonte à Rousseau. Mais entre les mains de l'écrivain anglais, elle a pris une force singulière. Ces héros ont des délicatesses et des dévouements admirables. Ils n'ont de populaire que leur prononciation, le reste en eux n'est que noblesse et générosité. Vous voyez un Butler abandonner sa fille, son unique joie, de peur de gêner son avenir. Une jeune femme se dévoue pour sauver la femme indigne de l'homme qu'il aime et qu'elle aime. Cet homme meurt, elle continue à soigner la créature dégradée par pure abnégation. Un pauvre charretier qui a cru sa femme infidèle la déclare tout haut innocente et pour toute vengeance ne songe qu'à la combler de tendresse et de bonté. Personne, selon Dickens, ne sent aussi vivement que le bonheur d'aimer, d'être aimé, les joies pures de la vie de famille. Personne n'a autant de compassion pour ces pauvres êtres déformés et infirmes qu'ils mettent si souvent au monde et qui ne semblent naître que pour mourir. Personne n'a un sens moral plus droit et plus inflexible. Nous avons même que les héros de Dickens ont le malheur de ressembler aux pères indignés de nos mélodrames. Lorsque le vieux Peggotty apprend que sa nièce est séduite, il se met en route, un bâton à la main, et parcourt la France, l'Allemagne et l'Italie pour la retrouver et la ramener à son devoir. Mais par-dessus tout, ils ont un sentiment anglais et qui nous manque. Ils sont chrétiens. Ce ne sont pas seulement les femmes qui, comme chez nous, se réfugient dans l'idée d'un autre monde. Les hommes y pensent. Dans ce pays où il y a tant de sectes et où tout le monde choisit la sienne, chacun croit à la religion qu'il s'est faite, et ce sentiment si noble élève encore le trône où la droiture de leur volonté et la délicatesse de leur cœur les ont portés. Au fond, les romans de Dickens se réduisent tous à une phrase, la voici. Soyez bon et aimez. Il n'y a de vraie joie que dans les émotions du cœur. La sensibilité est le tout de l'homme. Laissez aux savants la science, l'orgueil aux nobles, le luxe aux riches. Ayez compassion des humbles misères. L'être le plus petit et le plus méprisé peut valoir seul autant que des milliers d'êtres puissants et superbes. Prenez garde de froisser les âmes délicates qui fleurissent dans toutes les conditions, sous tous les habits, à tous les âges. Croyez que l'humanité, la pitié, le pardon sont ce qu'il y a de plus beau dans l'homme. Croyez que l'intimité, les épanchements, la tendresse, les larmes sont ce qu'il y a de plus doux dans le monde. Ce n'est rien que de vivre, c'est peu que d'être puissant, savant, illustre. Ce n'est pas assez d'être utile. Celui-là seul a vécu et est un homme qui a pleuré en souvenir d'un bienfait qu'il a rendu ou qu'il a reçu. Nous ne pensons pas que ce contraste entre les faibles et les forts, ni que cette réclamation contre la société en faveur de la nature, soit le caprice d'un artiste ou le hasard d'un moment. Lorsqu'on remonte loin dans l'histoire du génie anglais, on trouve que son fond primitif était la sensibilité passionnée et que son expression naturelle fut l'exaltation lyrique. L'une et l'autre furent apportées de Germanie et composent la littérature qui vécut avant la conquête. Après un intervalle, vous les retrouvez au XVIe siècle, quand eut passé la littérature française importée de Normandie. Elles sont l'âme même de la nation. Mais l'éducation de cette âme fut contraire à son génie. Son histoire a contredit sa nature, et son inclination primitive s'est heurtée contre tous les grands événements qu'elle a faits ou qu'elle a subis. Le hasard d'une invasion victorieuse et d'une aristocratie imposée, en fondant l'exercice de la liberté politique, a imprimé dans le caractère des habitudes de lutte et d'orgueil. Le hasard d'une position insulaire, la nécessité du commerce, la possession abondante des matériaux premiers de l'industrie ont développé les facultés pratiques et l'esprit positif. Le hasard d'une ancienne hostilité contre Rome et de ressentiments anciens contre une église oppressive a fait naître une religion orgueilleuse et raisonneuse qui remplace la soumission par l'indépendance, la théologie poétique par la morale pratique et la foi par la discussion. La politique, les affaires et la religion, comme trois puissantes machines, ont formé par-dessus l'homme ancien un homme nouveau. La dignité raide, l'empire sur soi, le besoin de commander, la dureté dans le commandement, la morale stricte sans ménagement ni pitié, le goût des chiffres et du raisonnement sec, l'aversion pour les faits qui ne sont pas palpables et pour les idées qui ne sont pas utiles, l'ignorance du monde invisible, le mépris des faiblesses et des tendresses du cœur, telles sont les dispositions que le courant des faits et l'ascendant des institutions tendent à établir dans les âmes. Mais la poésie et la vie de famille anglaise prouvent qu'ils n'y réussissent qu'à demi. L'antique sensibilité, opprimée et pervertie, vit et s'agite encore. Le poète subsiste sous le puritain, sous le commerçant, sous l'homme d'État. L'homme social n'a pas détruit l'homme naturel. Cette enveloppe glacée, cette morgue insociable, cette attitude rigide couvrent ordinairement un être bon et tendre. C'est le masque anglais d'une tête allemande lorsqu'un écrivain de talent, qui est souvent un écrivain de génie, vient toucher la sensibilité froissée ou ensevelie sous l'éducation et sous les institutions nationales. Il remue l'homme dans son fond le plus intime et devient le maître de tous les cœurs. Ainsi s'achève Charles Dickens, son talent et ses œuvres, par Hippolyte Taine.